Toujours à l'occasion de la Journée du Soleil, les représentants diplomatiques et des institutions internationales à Pyongyang ont visité jeudi le musée des présents d'État.